Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique en ce jeudi 5 avril, magnifique jeudi. Et oui, le jeudredi pour certains, parce que ça va être la fin de semaine de 4 jours. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant cette fin de semaine? Et on va jouer, bien évidemment, seul, en couple, en famille, entre amis, mais on va jouer. Et cette émission, une autre belle émission en vue, avec un nouveau collaborateur qui va se joindre à nous, monsieur... Monsieur qui va nous parler, un universitaire finalement, qui va remplacer notre ami Gabriel Godette, qui ne pouvait continuer malheureusement vu son horaire du temps très chargé, sa collaboration avec nous. Ça va être Monsieur Diego Lamanard qui va venir finalement le remplacer vers le milieu de l'émission pour nous parler finalement de jeu, mais d'une autre façon finalement que nous le faisons habituellement. Mais c'est tout, on vous rappelle en même temps que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet au www.puissancemaximale.com. Il y a aussi bien évidemment notre page Facebook. Vous cherchez ça dans Facebook, vous tapez Puissance Maximale et vous y serez en un rien de temps. Il y a aussi le site internet de CKIA FM, donc le ckiafm.org, où vous pourrez acheter votre carte de membre. C'est le temps. On est en blitz, justement, d'abonnement. Un petit 20$ pour devenir membre de CKIA. Ça vaut la peine. Ça va soutenir, bien entendu, votre station et aussi, en même temps, votre émission préférée, Puissance Maximale. Alors, une autre émission bien chargée avec M. Andrew Castegan qui sera là pour nous parler d'un jeu, bien évidemment. On va parler d'une nouvelle ludique comme à l'habitude, mais avant tout, nous allons commencer en chanson avec une chanson des Vulgaires Machins qui s'appelle La rue d'Eragon. On va commencer ça en beauté ici à Puissance Maximale sur les ondes de 88 de CKIA FM 88.3 à Québec. Sur la rue d'Eragon, il y a un trottoir sur chaque bord de la rue. C'est pédé, c'est pour les piétons, pour que tu puisses te rendre jusqu'à ma maison. Yeah. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson, plusieurs nouvelles ludiques et une très intéressante qui est sortie hier. C'est l'équipe d'organisation du festival J'ai animé à Gatineau, donc qui se prépare à nous offrir à nous fervents amateurs de festivals, festivals au pluriel, je crois. Je m'en excuse. Et autres conventions du genre. J'ai animé, c'est une convention qui a lieu habituellement au début, habituellement janvier-février à Gatineau. Justement, une convention d'animé, animation japonaise, manga, et de plus en plus avec d'autres trucs geeks également. Mais là, ils vont nous offrir une version mini, une version chibi. Donc, pour les amateurs de manga, vous saurez de quoi je parle. Eh bien, ça va avoir lieu le 7 juillet prochain à l'hôtel Clarion, à Gatineau, près des promenades de l'Outaouais. On nous demande un maigre 10$ par personne pour les personnes de 13 ans et plus pour aller voir ça. On nous promet des exposants, donc une petite salle marchande, on va avoir de la présentation d'animés, il va y avoir des jeux vidéo, ateliers et activités, un peu comme une convention standard, mais évidemment en format réduit pour le 7 juillet prochain. Donc les amateurs de conventions sont invités à Gatineau pour cette convention mini, là, ce Chibi d'animé 2012, donc cet été, dans la région de Gatineau et Ottawa. Si je peux m'y rendre, j'y serai bien évidemment parce que on aime bien la gang de Janima à Gatineau en puissance maximale. On y va à chaque année faire des émissions spéciales et si on a la chance de se rendre à Gatineau cet été, nous y serons bien évidemment. Autre nouvelle ludique. On avait parlé avec Andrew Castegan il y a quelques semaines du jeu Asura. Wrath, excusez mon anglais, j'ai vraiment de la misère avec ce titre de jeu-là. Donc, la colère d'Asura, je vais le dire en français. Et c'est Capcom. On a parlé souvent avec Andrew de Capcom, de cette compagnie-là qui, malheureusement, on trouve, offre trop souvent soit des produits qui sont pas vraiment fignolés ou simplement un produit de base qu'on va acheter le gros prix à 60$ à la sortie. Puis là, ils vont nous sortir des extras qui souvent devraient faire partie du jeu principal et ils vont nous les revendre, bien évidemment. On va repayer pour avoir ces extras-là. Et la couleur d'Asura, je pourrais vous dire que c'est un bon exemple et c'en est même un peu choquant parce qu'il y a des DLC qui sont arrivés récemment, donc des contenus téléchargeables pour compléter votre jeu. Et il y en a un qui est arrivé le 27 mars dernier, qui était l'épisode 11.5, qui venait un peu éclaircir la trame narrative d'Asura, nous amener des nouveaux éléments. Le 3 avril, il y en a une autre. Donc, avant hier, l'épisode 15.5 est arrivé avec des nouveaux styles d'animation. Et pour ces contenus-là téléchargeables, il fallait payer 2$. Que vous allez payer sur le PSN ou sur le réseau Xbox, vous allez payer ça 160 Microsoft Points. Bon, est-ce que ça vaut la peine, surtout pour la version, pour les grands fans d'animation peut-être, mais bref, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais bon. Autre contenu téléchargeable qui s'en vient le 24 avril prochain, il va y avoir des contenus additionnels, des épisodes additionnels, 4 contenus additionnels qui vont arriver pour le jeu, qui vont amener une continuité à l'histoire, puis un petit truc de plus. Bon. Ça va coûter, par exemple, ça va être plus cher, un 7$ sur PSN et un, je pense, 560 Microsoft Points sur la Xbox. Pour ramener, puis on avait parlé que la fin, je crois, si je me rappelle bien, Andrew nous avait dit que c'était pas la vraie fin d'Asura dans la colère d'Asura, c'était pas la vraie fin. Non, effectivement, c'était... D'ailleurs, c'est Andrew, bienvenue. Bonjour, bonjour. Un petit peu essoufflé, mais tout ça pour dire que non, effectivement, c'était un peu une fin sur un peu un suspense, fin de la saison 1, début saison 2. Puis là, comme j'étais en train de dire, là, le 24 avril prochain, ben il y a 4 nouveaux épisodes qui vont venir justement continuer l'histoire, donner une nouvelle tangente à l'histoire, et ça va coûter 7$. Deux autres contenus téléchargeables, il y en a, quand je vous dis qu'il y en a, là, qui s'en viennent le 8 mai prochain, qui va avoir finalement le Street Fighter-like mode, où vous allez pouvoir combattre Ryu, si on avait vu déjà passer des vidéos sur YouTube qui montraient ça, c'est qu'on s'en étonne pas trop, et il va avoir le 15 mai, Vous allez pouvoir télécharger autre chose, un autre contenu téléchargeable pour combattre cette fois-là Akuma, qui est un vilain dans Street Fighter, un de mes personnages préférés dans Street Fighter, mais quand même. Et encore là, pour ces deux-là, 2$ chacun. Donc, si on fait le calcul, vous l'avez acheté à 60$, on rajoute 4$ pour les deux premiers DLC, un autre 7$, donc on monte 7, 8, 9, 10, 11, 12$, plus un 4 autres $, 16$, là on est rendu à 75$, plus les taxes bien évidemment, pour un jeu qu'on nous dit très très très rapide, qui se finit assez rapidement, avec une fin... approximativement 4 heures. C'est ça, donc... En tout cas, vous savez, on en a parlé amplement à l'émission, on en parle quasiment à toutes les émissions, moi je trouve ça ridicule. On va tuer littéralement l'industrie de la console avec ça. Un jour, la planète sera dominée par les DLC. Ouais, on n'achètera plus de jeux, finalement, on va acheter des chapitres de jeux. Peut-être que les compagnies, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir le jeu à mesure qu'ils vont le finir. Ah, on a un chapitre de fête, mettons-le sur le réseau. Malgré qu'il y a certaines compagnies qui le font, mais t'sais, un prix correct, t'es comme Telltale Games. Fait des jeux d'aventure point and click, thématique de Back to the Future. Sam & Max, des affaires de même. Mais c'est des bons jeux. C'est des jeux assez complets, déjà. Là. C'est ça. C'est quand même une couple d'heures de jeu pour à peu près 10$, à peu près. Donc ça, c'est un bon principe. Ça, je suis d'accord à 100% avec ça. Surtout qu'ils vont faire un jeu point and click de Jurassic Park qui a de l'air très prometteur. Puis ça va être pas cher comme jeu. Fait que, why not? Pourquoi pas? Mais un jeu 60$ pour sortir pour à peu près le même montant des DLC. C'est des DLC, c'est ça. Donc, c'est Capcom. Écoutez, c'est un peu la nouvelle culture du jeu, surtout jeu console. Donc, on va voir ce que ça va donner. Plusieurs nouvelles en fait sur un seul sujet, Assassin's Creed 3. On en a parlé la semaine passée pour les éditions. Il y a d'autres informations qui sortent. Entre autres, pour ceux qui voulaient profiter du jeu sur PC, ben vous allez être déçus. Il n'y aura pas vraiment de support pour le clavier souris, malheureusement. Les gens, il faut s'attendre à devoir jouer avec une manette, avec un gamepad sur votre PC. Et je vous dirais que c'est les gens de Ubisoft, monsieur Alex Hutchinson, qui a dit en entrevue, écoutez, nous, on voit pas l'intérêt de faire un suivi côté clavier souris. Écoutez, les gens qui veulent jouer à Assassin's Creed veulent jouer avec une manette. C'est tellement facile, à cette heure, de brancher une manette de Xbox 360 puis de Play 3 sur un ordinateur. La Play 3, il existe des applications pour, justement... connecté avec le fil USB, les manettes de Petro sur l'ordinateur pour que ça fonctionne. La Xbox avec fil, ça marche déjà. Les manettes sans fil, ça prend un petit adaptateur qui se vend en magasin. Ça, c'est un peu plate. Mais quelqu'un qui a juste un PC à la maison doit aller s'acheter des manettes à 50$ et, tu sais. Ben, s'il veut aller dans les marques de jobber, il peut. Oui, c'est sûr. Ça revient moins cher. Mais c'est encore des dépenses. C'est encore des dépenses. Parce qu'on aurait la solution là juste parce que, selon moi, les gens de. Entre toi puis moi, Mike, tout bon gamer d'ordinateur a au moins une manette qui traîne quelque part. Ça dépend. On s'en mettra pas là-dessus. Moi, j'en ai une, mais pour jouer à mes émulateurs. OK, sujet d'une prochaine chronique. Ah, peut-être. Donc, mais autre information intéressante, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup. Écoutez, moi, on a parlé, j'avais fait un podcast l'été passé sur le E3 et sur l'annonce de la Wii U de Nintendo. Et là, écoutez, moi, j'étais très emballé par la manette. Toutes les possibilités que ça peut amener, et je le suis encore, mais là, Assassin's Creed 3, pour sa version Wii U, veut utiliser vraiment la manette à son, je sais pas, plein potentiel, mais en tout cas, le potentiel de cette manette-là, entre autres, en utilisant l'écran pour avoir un constant regard sur la carte, pour avoir accès justement au contenu qu'on va déverrouiller pendant le jeu, donc tout ce qui est tous les personnages historiques et tout, là, ce qu'on retrouve habituellement quand on les rencontre dans le jeu. On va pas y avoir accès sur la manette au lieu toujours d'aller dans le menu puis arrêter de jouer, ce qui peut être un peu tannant. Et aussi une sélection rapide des modes de combat, des armes également, directement sur la manette. Et aussi un mode Eagle Vision exclusif à cette manette-là. Il y a pas beaucoup de détails pour le moment, mais j'ai bien hâte de voir ça. Donc, une belle utilisation de la manette de Wii U. Autre nouvelle par rapport à Assassin's Creed 3, un peu le mode chasse, le mode exploration dans la nature sauvage. Ben Ubisoft nous avoue, et quand même avec fierté, là, qu'ils se sont beaucoup inspirés du jeu Red Dead Redemption de Rockstar pour un peu mettre ce mode-là en place, parce qu'en fait, ils étaient en train de développer Assassin's Creed 3, ils sont en train de bâtir le jeu, quand Red Dead Redemption est sorti, ils ont commencé à jouer, ils ont fait waouh, c'est fou, il faut faire quelque chose du genre, il faut aller à côté de ça, faut aller plus loin que ça, parce qu'ils nous disent, c'est ça, les gens d'Ubisoft le disent, le monsieur Hutchinson nous le dit dans une, justement dans l'entrevue, il dit regardez Rockstar, ils font des excellents jeux, puis ils poussent tout le monde dans l'industrie à aller plus loin, c'est des innovateurs, et c'est Ubisoft a pris le défi à ce niveau-là côté exploration, et ils nous disent, ils nous appellent ça un Improve Red Dead Redemption, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, alors on a bien hâte de voir justement l'exploration, parce que là, on ne sera plus dans les villes de la Renaissance, dans les grandes villes de l'époque moyenâgeuse pendant les croisades. On va être dans l'Amérique de la... Communément appelée dans le bois. Ben, c'est ça, ou dans les petites villes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais on va falloir attendre à l'automne pour ça. Et dernière nouvelle pour Assassin's Creed 3. Il y avait eu des rumeurs disant que le prochain personnage qu'on a retrouvé dans le prochain jeu, dont Assassin's Creed 3, serait une femme. Malheureusement, la gang d'Ubisoft, ben, comme vous avez vu, va avoir un homme, encore une fois, qui va s'appeler Connor. Et ils expliquent ça, eux, avec le fait que dans cette ère-là, c'était plus une ère dans l'histoire, une période d'hommes. Donc, c'était la guerre. Il y avait quand même, on tient à le rappeler, des femmes, des personnages de femmes importants là, dans l'histoire de cette révolution-là aux États-Unis, malgré le fait que Ubisoft a quand même soulevé le point que, quand même, sur les champs de bataille, dans tout ce qui était implication sociale et combat, là, on est en guerre, mais c'était la plupart, et avec raison des hommes, et ça fait un peu bizarre d'avoir un assassin qui essaye, une femme qui essaie de se faufiler dans une foule d'hommes. En tout cas, bref, c'était un peu plus bizarre. Ça fait qu'ils ont quand même opté pour un personnage masculin, mais ils ne ferment pas la porte. C'est toujours pour les prochains, parce qu'évidemment, je pense pas que le 3 va être... En tout cas, on nous a pas annoncé que ça va être le titre final de cette franchise-là. Nous verrons bien ce qui s'en vient pour Assassin's Creed 3. Ça fait un peu le tour des nouvelles pour Assassin's Creed 3 à ce moment-là. On continue aussi avec la Xbox 360. Un rapport qui est sorti récemment de Madame Ashley, et je vais essayer de pas massacrer son nom, Pod Radsky de l'université Drexel, qui nous a parlé un peu des informations personnelles sur les disques durs de la 360 qui sont facilement piratables. En fait, lorsque vous êtes, même quand vous allez faire un formatage de votre disque dur, ou même quand vous allez le ramener à ce qui est finalement le mode default là de l'usine, l'état d'usine, ben les informations vont encore être accessibles. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme pour Microsoft, ça c'est aussi pour Windows, mais vous allez avoir, les informations Windows vont s'effacer, mais il y a quand même des informations personnelles qui vont rester sur le disque dur. Donc, on nous parlait de la fameuse sécurité de Xbox. Finalement, c'était pas totalement vrai. Il va falloir faire attention à vous, chers amis. Moi, comme j'ai donné comme conseil, toujours aller vous acheter des cartes prépayées de points. Moi, personnellement, j'ai jamais enregistré ma carte de crédit sur mon PlayStation et je ne pense pas le faire, surtout avec ce qui s'est passé avec le PSN. C'est que j'y vais avec des cartes de points et ça devrait être la même chose avec tout. Quand vous pouvez passer par autre chose que le paiement direct en ligne, c'est sûr que c'est plus sécuritaire. Puis en plus, c'est tellement facile à ça de trouver une carte prépayée Visa ou Mastercard qui marche sur n'importe quel système d'achat en ligne. Puis en même temps, ben, ça sert uniquement à ça. Fait que ça vous permet en même temps de garder votre carte de crédit en sécurité dans votre portefeuille. Et voilà. Autre nouvelle, un prochain jeu pour la compagnie Mojang et Notch, donc les créateurs de Minecraft. Mais un jeu qui se passera dans l'espace. In space! Et oui, mesdames et messieurs, le jeu qui s'appellera est 0x10C. Et c'est ça pour vrai. Un jeu donc que vous allez incarner finalement un personnage dans un vaisseau qui était en pleine conquête de l'espace, mais après un petit problème, on est dans un multiverse, on sera pas dans un open world là, mais on va vraiment dans un multiverse. Puis là, on nous raconte, c'est ça, que vous faisiez partie d'un équipage qui était dans une course spatiale de l'exploration, où il y avait justement des corporations qui se faisaient la lutte pour des richesses et la découverte de nouveaux mondes. Mais là, il y a eu un problème avec l'ordinateur, puis tout le monde s'est endormi et vous vous retrouvez à l'an... OK, c'est trop long. 281,474,976,712,644 AD. Donc bref, tout plein dans le futur. Et là, il y a presque plus de civilisation. Vous allez avoir finalement ce que vous allez avoir dans votre vaisseau. Ça va être un ordinateur 16 bits pour finalement gérer. Il va falloir... finalement réparer tous les pouvoirs, tout le power que vous pouvez ramasser dans le vaisseau pour pouvoir bien gérer votre vaisseau. Donc tout ce qui est voyage, des combats, aller justement en exploration. Et même j'ai entendu parler que bon, les joueurs pourront même programmer l'ordinateur 16 bits pour se mettre des mini-games. Ça va être encore une fois à la Mojang, donc un jeu très malléable qu'on va pouvoir aller un peu modifier soi-même là, si on est un maniaque finalement. Donc un jeu, j'ai hâte de voir, il va avoir un mode multiplayer, mais un mode multiplayer payant par mois, ce que je trouve un peu dommage, ou la version single player, donc joueur solo, mais avec ça, un mode un peu à la Minecraft, on va payer une fois, ça va être tout. Mais si on va avoir accès au multiplayer, il va falloir payer au mois. Donc voilà ce qui en est des nouvelles ludiques. À moins qu'Andrew, tu aies une nouvelle à nous apprendre que tu ne m'avais pas communiqué. Ben, je sais pas si t'en as parlé, mais il y a eu des rumeurs un peu plus sur la Wii U. Non! En fait, il y a eu des... Les développeurs, parce que vous savez, le kit de développement de Nintendo pour le développement de la Wii U a été donné pour que les jeux de lancement soient commencés à être développés. Et il y a une compagnie qui disait justement que les performances de la Wii U ne seraient pas comme qu'est-ce que Nintendo représentait. Et que Nintendo, qu'est-ce qu'il a représenté? Ce serait des vidéos en images de synthèse et non pas représentatifs réellement. Ben, si on s'en doute un peu, là, c'est tout le temps ça partout pour toutes les compagnies, là, pour les lancements de nouvelles consoles, c'est jamais du gameplay. Mais qu'est-ce qui choque, c'est que ce développeur-là a fait une évaluation de la performance niveau regardant les caractéristiques hardware du kit de développement, qui normalement devrait être le matériel que la console finale va avoir. Et ça serait moins fort que la Xbox 360 et la PS3 actuellement. Ça, c'est un peu dommage. Mais écoutez, je suis comme à moitié surpris. Je m'attendais. Moi, j'ai beaucoup d'espoir avec la Wii U parce que Nintendo traîne de la patte depuis le Nintendo 64 un peu. Là, je vous dirais, le Nintendo 64, c'est une bonne console. La GameCube aussi, je l'avais bien aimé, mais ça reste que côté performance, côté hardware, on était loin derrière les Sony et justement Microsoft. Là, depuis ce temps-là, ça traîne de la patte. Ils ont pas l'air de vouloir comprendre. Mais avec la Wii, ils ont... Ça a été une première au niveau de la justement du reconnaissance de mouvement, ça fait qu'ils ont fait de l'argent avec ça. Ils ont attiré justement des casual gamers, là, des familles qui étaient pas habituées de jouer avec leur avec une console. Est-ce qu'ils veulent s'asseoir sur ce marché-là, essayer de continuer? Mais là, ils ont de plus en plus de compétition. Il y a la Move de PlayStation, il y a la Kinect, puis il y a des améliorations aussi de la Move qui s'en vient. On en a parlé il y a quelques semaines à l'émission. Il y a de plus en plus de compétiteurs. Je sais pas ce que Nintendo pense. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose de plus performant, quelque chose. Puis on me parlait en plus de jeux, de titres pour hardcore gamers, là. Justement, Assassin's Creed. On des jeux de tir. Je pense qu'il y avait un titre de Tom Clancy qui s'en venait, entre autres. Plein d'autres trucs intéressants. Puis là, on se ramasse encore avec, ça reste des rumeurs, là, mais quelque chose qui serait sous-performant par rapport à ses compétiteurs. Je suis déçu. Et le développeur en question, parler de ce fait-là comme de quoi que ça aurait été un choix d'entreprise fait par Nintendo, parce que la tablette en soi, la fameuse tablette de la Wii U, coûterait énormément cher à produire, donc il n'y avait pas le choix de couper dans le hardware de la console s'il voulait rester moins cher. Parce que faut savoir que Nintendo, depuis très longtemps, généralement, les consoles de salon reviennent moins chères que qu'est-ce que la Xbox 360 et la PS3 est. C'est une signature, dans le fond, que Nintendo ont toujours voulu avoir, être plus accessible aux familles. Puis aussi, en même temps, il y a beaucoup de familles qui ont plus qu'une console Nintendo à cette heure, là, t'sais, pas à l'époque du Nintendo ordinaire, là, mais t'sais, je connais beaucoup de monde qui ont deux Wii, t'sais, des choses comme ça, parce qu'ils ont plusieurs enfants qui veulent jouer en même temps à des jeux différents. Fait que s'ils voulaient garder l'accessibilité à leur console, c'était un choix qu'ils étaient obligés de faire. Mais t'sais, c'est décevant à cause que t'sais, la façon qu'ils ont présenté ça, ils ont fait vraiment une présentation pour hardcore gamers et... Tout le monde le sait, les hardcore gamers, ils se laisseront pas gagner par une tablette. Les autres, ils veulent une machine de guerre, ils veulent une machine performante. Fait qu'il va vraiment falloir que Nintendo fasse un bon coup marketing. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais si c'est vraiment le cas, il va falloir surveiller ça de près, là. Parce que déjà, les gens, moi, j'ai ma PlayStation 3, j'ai une Wii aussi, puis déjà, les gens commencent à être... PlayStation 3, les gens commencent à être lassés, ils veulent avoir quelque chose de nouveau. Ça s'en vient, on le sait. On a parlé du projet Orbis à l'émission la semaine passée. Ça fait... On parle beaucoup, là, de la prochaine console de Xbox, de Microsoft aussi, les rumeurs qui sortent maintenant, Nintendo, puis même Steam qui parlerait peut-être d'une console... Donc, écoutez... Mais oubliez Sega. Non, Sega, même, ils ont des problèmes financiers. On a vu ça dernièrement, les résultats financiers sont sortis. Une autre nouvelle qu'on pourrait rajouter là, à notre volet, une nouvelle ludique, des compressions chez Sega, même des projets qui ont été cancellés. ça va pas bien. Puis déjà que Sega s'est fait refuser des titres de Marvel là, par Disney récemment, on en a parlé à l'émission. Ça va pas bien chez Sega. Je pense pas qu'ils vont faire un retour du côté console. De ben là, ils misent beaucoup sur le prochain jeu d'Alien. Qui travaille depuis très très longtemps sur ce type-là. C'est dans le fond Alien Marine Academy. Colonial Marines, bref, quelque chose comme ça. Bref, un jeu de qui serait supposé être vraiment le retour de la franchise d'Alien, puis à date, les critiques, ouais, mais ça vole pas. C'est ça, les derniers jeux de Sega qui sont sortis, c'est ça le problème. C'est en plus de pas être des succès critiques, c'est pas un succès populaire non plus. C'est un peu décevant. Donc, on va espérer que Sega va nous amener quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Mais écoutez, il faut pas rêver en couleur. Surtout du côté, moi, ce que je trouve un peu dommage du côté de Nintendo, c'est qu'on se ramasse finalement avec, justement une machine un peu, pas médiocre, mais quelque chose qui va pas nous amener finalement, nous, les hardcore gamers, à aller nous chercher. Moi, je trouve ça plate parce que Nintendo, malgré, les problèmes qu'il y a eu dans les dernières années, je suis resté un fan quand même de Nintendo. J'adore Nintendo malgré tous les problèmes qu'ils ont eu. Puis ben, je serais pas bon malheureusement. Encore une fois, où je vais attendre vraiment vers la fin de la vie de la Wii U avant de me l'acheter, parce que on n'a pas quelque chose de performant. Je vais attendre qu'il y ait beaucoup de titres, peut-être des titres intéressants. Je vais aller me chercher ça. Mais bref, une rumeur qui est un peu décevante à ce niveau-là. On verra ce que ça va donner. Donc, on va continuer après ce bloc de nouvelles ludiques en musique avec une excellente chanson. Écoutez, vous allez voir que c'est du sarcasme. On va vous mettre une chanson. C'est pas que j'aime vous passer des mauvaises chansons, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est une chanson du groupe Eiffel 65 qui est derrière l'énorme succès des années 90, Blue. I'm Blue Dabadi Dabada, pour ceux qui se rappelaient pas, ça résume à peu près la toune. Mais là, c'est une chanson qui s'appelle My Console, et vous allez voir, c'est une chanson qui ne parle finalement que de PlayStation. C'est finalement, les paroles de la chanson sont principalement composées de titres de jeux de PlayStation original. Vous allez entendre ça, vous allez écouter ça avec beaucoup d'intérêt. La chanson My Console de Eiffel 65, ici à puissance maximale, sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. And pray, and from Omega Bells to Resident Evil, just play for the fun, 'cause we got it going on. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et tout d'abord, avant de continuer, je voudrais féliciter M. Vincent Langlois, qui est animateur avec nous, qui est pas là depuis un petit bout, parce que finalement, à cause de ça, c'est que sa conjointe a accouché cette semaine d'une jolie petite fille, une petite Eliane. Toute l'équipe de Puissance Maximale te salue, Vincent, on a hâte de te revoir. Et comme j'ai déjà dit sur Facebook, une longue vie ludique à ta chère petite fille et à toute la famille, bien évidemment. On continue avec M. Diego Lamana, monsieur qui va prendre un peu la relève de M. Gabriel Gaudet qui nous faisait des belles interventions ici à Puissance Maximale, le côté jeu, avec vraiment des aspects qu'on n'était pas habitués d'entendre à la radio. Alors, salut Diego, comment ça va? Oh, je n'entends pas Diego. Oui, bonjour. Oui, bonjour Diego, nous avons réussi à avoir la communication. Ça va bien? Oh, oui, bonjour. Je pense qu'il nous... Oui, OK. Bon, voilà, ça va bien? Oui, je t'entends pas par contre dans mon téléphone, donc je vais... Donc, tu nous entends à travers... Avec ta radio, finalement? Donc, on va retourner en musique en attendant pour essayer de régler le problème. Écoutez, c'est pas plus grave que ça. On va y aller avec... Oui, c'est ça, absolument. Donc, je dois écouter la radio en même temps que vous parlez au téléphone. Ah, c'est ça, il y a feedback. Donc, c'est ça, on va y aller en musique en attendant pour essayer de régler le problème. On va y aller avec un classique, finalement, Monsieur Barry White, Can't Get Enough of Your Love, puissance maximale sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. En attendant, on va essayer de rétablir la communication avec Monsieur Lamana. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's not enough. Oh, oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know, 'cause every time you're here, I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see, understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? 'Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do with all the guy. Ain't get enough of your love, baby. I don't know why. Can't get enough of your love, baby. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Oui, Puissance Maximale de retour, et on va essayer de reparler avec M. Lamana pour y aller avec sa chronique. Est-ce que M. Diego Lamana est en ligne? Oui, bonjour, Mickaël, je suis en ligne. Excellent, ça va bien? Très bien, toi? Et oui, alors, comme je disais tantôt, tu vas prendre la relève de M. Gabriel Gaudet pour nous parler un peu du côté, des fois, moins connu des jeux en général. Et on va commencer par te présenter. Tu es étudiant à la mineure en jeux vidéo à l'Université de Montréal. C'est bien ça. Donc, c'est un programme qui a commencé à l'automne 2011. Excellent. Puis là, on va dire aux gens aujourd'hui qu'on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ton programme d'études parce qu'il y a des gens, évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui veulent aller étudier dans ce domaine-là, autant pour en concevoir des jeux, pour en réaliser, mais aussi d'en parler, des étudier, mais aussi de les comprendre comme phénomène de société. Toi, un peu, vous, dans votre programme, de quoi vous allez parler? Qu'est-ce que vous allez regarder dans l'univers du jeu vidéo? Donc, c'est ça. Nous, notre programme, c'est un programme donc d'un an avec 6 cours spécifiquement dédiés aux jeux vidéo, qui est rattaché au département d'études cinématographiques et d'histoire de l'art de l'Université de Montréal. Donc, est-ce qu'on va avoir affaire finalement à un programme qui va s'attacher à la façon de les construire, autant qu'aux histoires qu'on va y véhiculer, les valeurs, et aussi tout ce que ça peut toucher comme sphère de valeur dans la société, ou c'est des fois des côtés plus techniques où on va rassembler finalement tous ces sujets-là? On rassemble pas mal de ces sujets-là dans six catégories, comme je disais, dans les 6 cours, donc dans 6 catégories de cours différents, mais c'est pas un programme, donc c'est absolument pas un programme pratique. On n'apprend pas à programmer des jeux vidéo, on n'apprend pas à faire de l'animation ou à faire du dessin dédié pour les jeux vidéo. C'est vraiment de développer une pensée critique et théorique sur l'histoire et l'esthétique du jeu vidéo en tant que phénomène médiatique. Parce que c'est un phénomène qui de plus en plus grandissant. C'est pas, on n'est plus seulement avec la radio, la télé, le cinéma, justement. Le jeu vidéo qui est une industrie qui prend beaucoup d'ampleur. Donc, effectivement, ça vaut la peine de l'étudier. Et qu'est-ce qui t'a attiré? Parce qu'on se parlait hors d'onde tantôt. Toi, tu viens de la science politique. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers du jeu vidéo? Est-ce que c'est le côté cinéma? Parce que tu m'en parlais un peu de ton intérêt, justement, pour le cinéma. Est-ce que tu vas aller vers ça? Ou il y a autre chose aussi? Parce que le côté politique, des gens pourraient chercher le lien entre ces deux finalement ces deux courants-là, la science politique et le jeu vidéo. Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui m'a amené là? Ben, d'abord, évidemment, c'est ma passion pour le jeu vidéo. Je joue depuis que je suis très jeune, j'imagine, comme vous. D'un autre côté, ce que j'apprécie de la science, donc c'est la ludologie, c'est une science multidisciplinaire, un peu comme la science politique. Donc, on va chercher dans plusieurs autres disciplines universitaires pour analyser le phénomène en tant qu'objet original, parce que c'est pas exactement de la littérature, c'est pas exactement du cinéma. On peut l'étudier aussi d'un point de vue sociologique, sémiotique, communicationnel. Donc, on va toucher à plein d'aspects, mais toi, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'intéresse? Là, présentement, je sais pas où est-ce que tu en es dans ton programme. Tu me dis que c'est un an, donc j'imagine qu'à moins que vous soyez touché aussi par la grève étudiante présentement, mais est-ce que vous en êtes où? Est-ce qu'il y a un aspect de ce programme-là qui t'intéresse plus, qui t'a vraiment plus allumé pendant ton parcours dans ce programme-là? Moi, c'est un de mes... Il y a deux penchants de la discipline qui m'intéressent plus particulièrement. C'est le rétro gaming, donc les vieux jeux vidéo. Vraiment, les premiers jeux vidéo, comment c'était designé. Quand il n'y avait absolument aucune convention d'établie, comment les conventions du jeu vidéo se sont mises en place, particulièrement dans les jeux de sport ou les RPG. Et d'une autre manière, c'est la socialisation, le jeu en ligne. Donc, c'est ces deux parties-là qui m'intéressent plus spécifiquement dans l'étude de, dans l'étude vidéoludique. Et surtout aussi que dans côté rétro gaming, on a quand même quelque chose qui est de plus en plus présent. Même les gens de mon âge ont parce que moi j'ai avancé 28 ans comme âge, et moi j'adore encore mes vieux jeux de NES, Super Nintendo, Sega, tout ça, j'y joue encore, mais de plus en plus de jeunes aussi qui vont jouer à ces jeux rétro là, entre autres pour leur qualité. On se rappellera justement les RPG sur Super Nintendo. Est-ce que c'est t'es un peu dans ce phénomène-là, ou c'est vraiment que t'as trouvé que cette particularité-là était vraiment intéressante à étudier, ou t'es aussi dans ce courant-là? Ah ben moi aussi j'ai ton âge, j'ai 29 ans, donc effectivement il y a un côté nostalgique là-dedans, mais évidemment même les personnes plus jeunes que moi dans mon programme s'intéressent aussi là, surtout aux vieux RPG sur Super Nintendo. Sega, c'est des styles de jouabilité qu'on retrouve plus aujourd'hui là, dans le jeu vidéo. Donc c'est un peu des deux là, autant par intérêt que par nostalgie, disons. Mais vu qu'on est dans une chronique de présentation de notre nouveau collaborateur, je vais te poser une question très très très personnelle. Écoute, au niveau justement on parle de rétro gaming là, selon toi là, est-ce que tu aurais un top 3 toujours confondu là, de jeux des incontournables au niveau du rétro gaming, puis même si tu as un côté peut-être académique là, si t'as un jeu que tu trouves particulièrement intéressant, qu'il soit rétro gaming ou plus moderne, quelque chose que tu trouves un incontournable, pas nécessairement que ce soit un succès commercial, mais quelque chose que des fois les gens peuvent avoir passé à côté, mais qui est vraiment très, très, très intéressant au niveau du gaming, mais aussi peut-être d'aller toucher d'autres sphères de la société. Ce serait quoi, finalement, ton top 3 rétro plus ton must, le côté jeu vidéo? Moi, je dirais, ce serait pas un jeu en particulier, ce serait une plateforme. Je dirais, il faudrait absolument, en tant que si on veut vraiment être un gamer vétéré, d'essayer l'Atari 2600. C'est vraiment une plateforme assez exceptionnelle. C'est une plateforme extrêmement populaire à la fin des années 70, début des années 80, qu'on oublie souvent avec l'arrivée subséquente de Nintendo. Donc, la plateforme Atari est une plateforme assez intéressante, là. C'est des jeux extrêmement simples, des fois difficiles à comprendre. Sans manuel d'instruction, ça devient difficile. Donc, c'est sûr qu'il y a l'émulateur qui permet une expérience intéressante, mais vraiment d'essayer la machine Atari original ou les remakes qu'ils ont fait au début des années 2000 avec les jeux déjà intégrés, sans besoin de cartouche, c'est quelque chose d'assez intéressant. Là, juste un joystick et un bouton, c'est quelque chose d'assez intéressant. Sinon, moi, ma plateforme de jeunesse préférée, ce serait les vieux RPG à la Chrono Trigger, les premiers Final Fantasy, Secret of Mana. Et sinon, mon classique, ce serait Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Bon, je pense qu'on va bien s'entendre, Diego, pour en tout cas côté jeu. Puis je me demandais, là, ça m'est venu comme ça comme question. Là, on parle que vous explorez dans ce programme-là le jeu vidéo, mais c'est peut-être une question niaiseuse, là, mais est-ce que vous en testez? Est-ce que vous allez tester du matériel soit en classe ou en travaux pratiques à la maison pour voir se manifester l'objet qui est le jeu vidéo, l'objet artistique, le phénomène en tant que tel? Est-ce que vous allez le tester vous-même, ou vous allez seulement peut-être observer des gens qui vont jouer? Oui, effectivement. Donc, pour les cours, évidemment, les plans de cours intègrent des lectures obligatoires comme dans n'importe quel programme universitaire, mais aussi, comme le fait les études cinématographiques, d'intégrer des jeux, en études cinématographiques, c'est des films, et en études jeux vidéo, ce serait des jeux vidéo qu'on intègre au cursus. Donc, pour montrer des éléments, par exemple, si on parle de graphiques, bitmap, donc on va regarder des jeux plus anciens, le scrolling, parallax, donc on va regarder les jeux qui utilisaient ces techniques-là. En classe, par contre, c'est un petit peu plus complexe par rapport au temps, donc ça faire des tests en classe, ça gruge beaucoup de temps. Par contre, notre programme d'études a ce qui est vraiment quelque chose d'assez incroyable à l'université, c'est qu'on a un local dédié, une salle dédiée aux jeux vidéo, donc qui est un laboratoire de recherche avec beaucoup de consoles et énormément de jeux vidéo. Bon, il va falloir que j'aille étudier à Montréal, moi qui me cherchais peut-être une nouvelle carrière. Ça a l'air un programme très intéressant, surtout que moi je suis issu de la littérature. Moi, j'ai fait études littéraires à l'Université Laval, et j'arrêtais pas de faire des parallèles, entre autres avec les jeux vidéo, pendant des conférences que je faisais, pendant des conventions justement, et différents types justement que par rapport à l'univers littéraire. Ça a l'air très intéressant. Justement, on va toucher à plein de choses dans la société, à plein de sphères autres que le volet divertissement finalement. j'adore ça. Écoute, Diego, c'est déjà la fin. Ça s'est quand même passé assez rapidement. On va te retrouver plusieurs fois dans les prochaines semaines pour d'autres chroniques qui vont toucher l'univers du jeu, mais aussi différentes sphères qui peuvent, des fois les gens peuvent pas y penser comme ça naturellement parce que pour eux le jeu c'est un divertissement. Mais on va te voir, on va t'entendre ça dans des nouvelles chroniques prochainement à Puissance Maximale. Je voudrais te remercier de ta participation d'aujourd'hui. Excellent, merci beaucoup de m'avoir permis cette chronique. Juste une chose que j'ai pas mentionné, c'est que le programme est dû particulièrement grâce à Bernard Perron, professeur agrégé en études cinématographiques de l'Université de Montréal, qui a tout fondé et c'est une sommité en études vidéoludiques, on s'en reparlera, qui lui aussi a son doctorat en études littéraires. Excellent. Bon, ben on salue M. Perron et on le remercie de cette initiative académique très intéressante. On le remercie et on te remercie beaucoup, Diego, pour cette intervention. Donc, on va continuer en musique avec une autre chanson un peu électro avec le groupe Daft Punk et la chanson Harder, Better, Faster, Stronger. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes 88.3 CKIA à Québec. Faster, makes us stronger than ever. Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Merci Isaac. Et c'est déjà la fin, écoutez, de Puissance Maximale, ça va tellement vite. Là, il y a M. Andrew qui voulait nous parler d'un jeu, ça va aller à la semaine prochaine. Il est arrivé un peu au début de l'émission là, mais vraiment à la limite. Fait qu'on garde son sujet pour la semaine. Tu vas nous parler de quoi? On va quand même mettre l'eau à la bouche à nos auditeurs. Tu vas nous parler de quoi de la semaine prochaine, Andrew? Ben en fait, ça va être une petite chronique oldies. Je vais parler de Alien Hominide HD et Castle Crasher qui vient des mêmes créateurs. Jeu excellent qui rappelle justement le old school qu'on peut retrouver sur Xbox et PS3, je pense. Exactement, par le biais de Xbox Live ou de la PSN. Excellent. Donc restez à l'écoute. Jusqu'à la semaine prochaine pour entendre ces excellentes critiques de M. Andrew Castegan. Et moi, mon nom à moi, c'est D'ailleurs, merci Andrew d'avoir été là à l'émission, d'avoir participé. On remercie M. Diego Lamana qu'on vient d'entendre pour sa première, finalement, sa chronique présentation sur un peu son cursus académique. Et on va venir avec d'autres chroniques prochainement avec M. Lamana ici à Puissance Maximale. Mon nom à moi, c'est Michael Michaud, humble serviteur ludique. Toujours content d'être là pour vous, pour cette émission. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet que vous pouvez nous retrouver au www.puissancemaximale.com. Page Facebook, bien évidemment, barre de recherche, tapez Puissance Maximale, vous allez nous retrouver. Aussi, le site internet de CKIA FM, donc ckiafm.org, où vous pouvez aller chercher votre carte de membre, je le dis au début et à la fin de l'émission. Et je vous le répète, parce qu'il faut aller chercher votre carte de membre, chers auditeurs, pour encourager la station, nous permettre de continuer à diffuser des contenus originaux, des contenus autant originaux dans leur forme que dans leur contenu, quelque chose d'intéressant. Un micro libre, finalement, à Québec. Continuez à encourager votre radio. Un petit 20$, il n'y a rien là. Puis en plus, je suis sûr qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui avaient plein d'argent. Envoyez ça en don à ckiafm.org. C'est déjà la fin et passez une belle semaine de jeu. One, two, three, four, yeah!